Donc, on va commencer, Inch'Allah, la série des cours qu'on fait pendant ce voyage à Mecca. Donc, j'avais plusieurs choix comme sujet pour vous faire comme présentation et j'hésitais entre différents sujets. Donc, j'ai trouvé quelques petits livres qui étaient très intéressants et je me disais, peut-être que je pourrais faire ça pour vous, mais en même temps, je me disais, c'est des sujets qui sont courts. Donc, des fois, je me dis, le fait de faire des petites conférences comme ça, c'est bien, mais on en sort avec des choses qui sont, disons, importantes, mais n'empêche que ça ne nous laisse pas avec quelque chose de solide, de vraiment bien... établi dans les fondements de la connaissance de la aqida. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer par l'explication de qu'est-ce qui est le plus important dans la religion d'Allah, c'est le tawhid. Hein. Et donc, étant donné que je suis venu, j'ai pas amené de livre de Montréal avec moi, donc je suis allé dans les maktabat hier, et puis parmi les livres que j'ai trouvé l'explication de Kitab al-Tawhid. Et celui qui s'intitule Qurratu Uyun al-Muwahhidin, et c'est un charh du petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a fait le commentaire de Kitab al-Tawhid. Et qu'est-ce qui est intéressant dans cette édition-là, c'est qu'il y a les commentaires de Cheikh Salah al-Fawzan du charh lui-même. Ça fait que le livre est vraiment intéressant et vraiment bénéfique. Donc j'ai pensé à faire ce livre-là, même si on ne pourra pas le terminer, mais ce n'est pas grave. Au moins, on pourra au moins avoir commencé les chapitres du début, qui sont en fait les chapitres d'introduction au livre de Kitab al-Tawhid. Parce que les 5 premiers chapitres de Kitab al-Tawhid sont en réalité une introduction au Tawhid, des définitions en fait du Tawhid et l'importance du Tawhid et ainsi de suite. Donc on va lire ensemble l'introduction si vous êtes d'accord, Inch'Allah, et puis après on va commencer avec le charh de Kitab al-Tawhid. On peut faire comme ça chaque jour, disons une heure environ, et je pense que donc après les jours qui nous restent, Inch'Allah, on aura pu avoir quand même certaines bases intéressantes et assez solide dans les compréhensions des fondements de la aqida. Donc pour commencer, le Cheikh Salah al-Fawzan explique ce charh, qu'est-ce qu'il est par rapport au livre de Kitab al-Tawhid lui-même. Parce que le livre de Kitab al-Tawhid, c'est un des livres les plus bénéfiques, les plus importants qui ont été écrits sur le sujet. Et une des particularités de ce livre, c'est qu'il est basé uniquement sur les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Maintenant, beaucoup de gens parlent du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de manière négative et ils le critiquent et ils l'attaquent. En particulier, les gens qui sont les ennemis de la Sunna et qui sont les adeptes de différentes tendances qui suivent une variété de bid'a, que ce soit chez les gens du tasawwuf, al-sufiya, ou bien que ce soit chez les gens de l'i'tizal, ou bien les groupes qui sont tombés dans les bid'a de la négation des attributs, comme les Asha'ira, les Maturidiya, ou bien il y en a d'autres parmi les groupes d'égarement, comme les modernistes ou autres. Eh bien, donc, c'est important donc, de savoir que si on veut connaître la réalité de la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, bien, il faut retourner à ses écrits. Hein, ça, c'est une des meilleures manières de réaliser, en fait, et de comprendre quelle était la réalité de son message et de sa da'wa. Et lorsqu'on retourne par exemple à ce livre-là, qui est un des livres qu'il a écrit, qui est un des plus importants, eh bien on constate tout de suite que la da'wa du Cheikh elle est une da'wa qui est en accord avec le Coran et la Sunna, puisque dans ces livres il n'y a rien d'autre de plus que ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et n'importe qui a lu Kitab al-Tawhid peut le constater. Sauf que les versets et les hadiths ont besoin d'être expliqués et d'être clarifiés pour être compris correctement. D'accord ? Parce que les sahaba, ceux qui ont vécu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien non seulement ils avaient le Coran qui était révélé, mais ils avaient en même temps tout le contexte de la révélation. Donc ils savaient pour quelle raison le verset est révélé, et dans quel contexte, et dans quel but, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi selon ces versets-là, et comment il a enseigné aux sahabas de les mettre en application. Tout ça, nous, on ne le connaît pas si on ne l'a pas étudié. Le contexte, les raisons de la révélation, la façon de les mettre en pratique correctement, comment comprendre, comment extraire de ces versets-là des principes et des règles. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a besoin de l'explication des ulama. Et c'est pour ça que les ulama, ils écrivent qu'est-ce qu'on appelle des shuruh, le pluriel du mot sharh, qui vient et en est rajouté au livre de base et au texte une clarification, une explication. Et ça vient en fait illuminer le sens des écrits des ulama de l'islam. Donc le cheikh صالح الفوزان يبتدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc je vais pas traduire tout l'introduction, je vais pas la lire en arabe toute, juste des points, mais je vais faire la traduction directe en français, puis je vais, si c'est nécessaire, expliquer, mentionner les titres des livres en arabe pour que vous puissiez les prendre en note et les avoir comme référence. Donc si vous avez un stylo et du papier, vous pouvez noter ces titres-là, parce que c'est des livres qui, si vous êtes intéressé à la science, vont être bénéfiques pour vous, inshallah. Le cheikh nous dit que le Mujaddid, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a écrit Kitab al-Tawhid. Et le sujet de Kitab al-Tawhid est Tawhid al-Uluhiyya. C'est-à-dire le sujet sur lequel se concentre Kitab al-Tawhid, c'est une des catégories du tawhid parmi les trois catégories en particulier. Et c'est tawhid al-ibadah. On l'appelle également tawhid al-uluhiyya. Ça, c'est deux termes qui sont synonymes, qu'on peut employer pour désigner l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, le sujet du livre, c'est l'unicité d'Allah, le tawhid, dans l'adoration. Ou bien le monothéisme mis en pratique, mis en application. C'est l'aspect pratique du tawhid. Parce que le tawhid, il est divisé en deux grandes catégories, si on veut. L'aspect théorique, qui est relié à la connaissance et à la science, et l'aspect pratique, qui est relié aux intentions et aux actions, et ainsi de suite. Tandis que la première partie, théorique, est reliée plus à la croyance. D'accord ? Donc, ici, le cheikh, il explique que ce livre, donc, est au sujet de tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibadah, et c'est parmi les différentes catégories de tawhid, les trois catégories qu'on va mentionner plus tard, c'est la plus importante. Pourquoi ? Parce que c'est le tawhid de la pratique, de l'application. Et c'est par exemple, qu'est-ce qu'on constate vis-à-vis de l'attitude et du comportement des gens vis-à-vis de cette catégorie du tawhid qu'on voit se manifester le tawhid. C'est par cette catégorie du tawhid qu'on a la manifestation de la croyance de la personne et de sa aqida. D'accord ? Donc si on voit quelqu'un qui fait des actes shirk, eh bien ça c'est une manifestation d'une aqida qui contredit le tawhid. Tandis que si on voit quelqu'un qui agit uniquement selon l'unicité d'Allah dans l'adoration, on voit que c'est une manifestation de sa croyance, de qu'est-ce qu'il croit en l'unicité d'Allah, il le met en pratique. Donc, on voit qu'il y a un accord et une harmonie entre sa croyance et ses pratiques dans ce cas-là. Donc, le cheikh explique que le livre en question, il est en particulier sur ce sujet-là. Et il a voulu se concentrer sur cet aspect-là, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs chez les musulmans au sujet de l'adoration. et de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et donc c'est la base de l'islam, c'est le fondement de l'islam, c'est le plus important principe qui existe dans la religion de l'islam. Alors que, comme on va le voir, Yannick, le cheikh il le mentionne lui-même, beaucoup de musulmans ont mis cet aspect-là de la religion dans la marge, comme si c'était quelque chose de secondaire, comme si le bon comportement avait précédence sur le tawhid, comme si la salat avait précédence sur le tawhid, comme si le jeûne du ramadan était plus important que le tawhid, comme si la zakat et le hajj étaient plus importants que le tawhid, alors qu'en réalité, tous ces actes d'adoration-là qui sont parmi les piliers de l'islam et autres, ne seront pas acceptés d'Allah, excepté s'ils sont faits après avoir compris et mis en application le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fait comprendre en même temps la réalité de l'importance de cet aspect-là du tawhid. Et donc le cheikh il dit qu'il a écrit ce livre et il l'a divisé en différents chapitres et il a expliqué dedans différentes règles qui sont reliées au tawhid et le verdict parmi les verdicts de la religion au sujet de ceux qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui associent, qui donnent des associés, des partenaires avec Allah dans l'adoration. Et donc ça nous montre en même temps que de connaître le shirk c'est aussi important que de connaître le tawhid, puisque c'est l'opposé du tawhid, d'accord. Et il explique par la suite que il explique dans ce livre la réalité donc du tawhid et ce qui s'y oppose et ce qui vient annuler le tawhid. Et qu'est-ce qui vient annuler le tawhid? C'est les formes de shirk majeur, al-shirk al-akbar, ou bien ce qui vient non pas le détruire ou l'annuler complètement mais le diminuer dans sa perfection, c'est-à-dire les formes de shirk mineur. Et donc tous ces différents chapitres que le cheikh a expliqué, eh bien ils tournent tous autour de l'explication du tawhid de façon générale, soit dans le but d'expliquer le shirk majeur, ou dans le but d'expliquer le shirk mineur, et dans certains chapitres, il a même mentionné des aspects, des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que la majorité du livre, la grande partie, la plus importante du livre, concerne le tawhid dans l'adoration. Et donc ce livre, on voit que son importance vient du fait que le cheikh il l'a établi sur les preuves du Coran et de la Sunna. Et il a également ramené dans les chapitres également parfois des paroles des salafs pour confirmer et supporter et clarifier les preuves du Coran et de la Sunna. C'est ce qui fait la force de ce livre. C'est ce qui fait la force même de cette da'wa. Elle n'est pas basée, cette da'wa, sur de la philosophie ou sur des théories ou sur des idées que des gens ont construites ou inventées d'eux-mêmes. Non. Cette aqida, ce manhaj, il est établi et fondé et basé sur les textes même de la religion et les paroles de nos pieux prédécesseurs, pour être sûr que notre compréhension est en accord avec leur compréhension. Et il n'a pas non plus été écrit à la manière des livres des gens de Bid'a qui ont établi leur connaissance ou leur compréhension sur, la, comme je disais, « ilmul kalam ». Qu'est-ce qu'on appelle « ilmul kalam », c'est-à-dire les sciences qui sont basées sur la philosophie. Les gens qui ont voulu essayer de comprendre qui est Allah en se basant sur la pensée d'Aristote ou la pensée de Platon et d'autres parmi les philosophes grecs, au lieu de revenir à la parole des prophètes et la compréhension de leurs compagnons. De même qu'il n'est pas basé sur les règles de la rhétorique et la dialectique aristotélicienne ou d'autres trucs de ce genre. Non, c'est basé sur le Coran et la Sunna et c'est rempli de versets et de hadiths. Puis, on voit que les points qui sont mentionnés, les preuves qui sont mentionnées sont suivies de différents masa'il. Et ces masa'il, c'est quoi? C'est les choses, les points bénéfiques qu'on peut extraire de ces textes, des preuves du Coran et de la Sunna. Et le livre en question, il a été le premier sharh qui a été écrit de Kitab al-Tawhid a été écrit par le Hafidhuhu, c'est-à-dire son beau-fils, hein, le beau-fils du Cheikh Sulaiman ibn Cheikh Abdullah ibn Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc c'est son petit-fils plutôt. C'est Sulaiman, le fils de Abdullah, le fils de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. C'est lui qui a écrit le premier charh. Et c'est un charh qui est vraiment détaillé et vraiment approfondi. Il s'appelle Taysir al-Aziz al-Hamid. Taysir al-Aziz al-Hamid. C'est un charh vraiment détaillé et vraiment qui rentre dans les détails, qui est très approfondi. C'est un gros volume si vous le trouvez. Il est comme une assez grosse épaisseur. Et il a ramené dans chacun des chapitres les détails de ce qu'il fallait expliquer au sujet de Kitab al-Tawhid. Donc, Taysir al-Aziz al-Hamid fi Sharh Kitab al-Tawhid. C'est ça le titre. Puis, il y a d'autres qui sont venus après parmi les ulama et parmi les élèves. Et les descendants, yani ceux qui ont étudié parmi les descendants du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont résumé ce charh. Et ils en ont fait des shurouhs qui sont plus concis. Et le premier qui a fait ça, c'est justement yani le Cheikh qui a écrit ce livre, ce commentaire, c'est Abdurrahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et c'est également un autre parmi les petits-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ce charh s'intitulait Fathul Majid. Fathul Majid, les charh Kitab al-Tawhid. C'est un autre charh qui est un peu plus court que Taysir al-Aziz al-Hamid. Et il y en a eu plein d'autres aussi. Parmi ceux qui l'ont résumé également, le Cheikh Hamad ibn Atiq. Et il a nommé son charh Ibtal al-Tandid bi-Bikhtisar charh Kitab al-Tawhid. Donc ça aussi c'est un charh vraiment bénéfique. Parmi ceux qui l'ont résumé également, un autre cheikh qui s'appelait Sulaiman bin Hamdan, qui était un cheikh qui a fait lui aussi un charh qui s'appelle Ad-Darr al-Nadid fi ikhlas kalimat at-tawhid. Tous ces livres-là sont publiés déjà, ils sont imprimés, ils existent dans les librairies. Il y a des hawashi. Hawashi, c'est quoi? C'est des commentaires. Les ulama, ils mettent des petits commentaires en dessous des différents points bénéfiques, et donc ce qu'on appelle le hawashi. Et parmi ceux-là, il y a celui qu'on va lire maintenant, Qurratu Uyun al-Muwahhidin fi tahqiq da'wat at-tawhid, qui est le même auteur que celui qui a fait Fathul Majid, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui était le cousin de Cheikh Sulaiman, celui qui a fait Taysir al-Aziz al-Hamid. Également parmi les résumés ou les hawashi, le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, Kitab al-Tawhid, qui s'appelle Hashiyat Kitab al-Tawhid. Il y en a d'autres également, celui de Hamid ibn Muhsin et celui de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qui explique le titre de chaque chapitre. Et de façon générale, plusieurs d'entre les ulama dans le monde musulman ont expliqué Kitab al-Tawhid de différentes façons. L'imam al-Amir Muhammad ibn Ismail al-Amir al-San'ani, qui a écrit Tathir al-I'tiqad, qui explique également différents aspects du tawhid, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est pour montrer que les ulama ont donné à ce livre beaucoup d'importance. Et la raison pour ça, c'est parce que c'était un livre qui était rempli de science et qui nécessite beaucoup d'explications et de compréhension. Le cheikh, il commence donc le livre par Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Kitab al-Tawhid. C'est comme ça que le cheikh commence ou débute le livre. Et donc, la plupart des ulama, ils commencent leur livre par le basmala. Et donc, le basmala, c'est quoi? C'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et la signification du basmala, Il dit, yani, que c'est dans le but yani, de mentionner la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de commencer par cela. Il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, premièrement, parce que les versets dans le Coran commencent par Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des lettres aux différents rois, aux différents dirigeants de son époque, pour les appeler à l'islam, il écrivait en débutant Bismillahirrahmanirrahim. On voit l'exemple également du prophète Suleyman alayhi salam dans le Coran, lorsqu'il envoie la lettre à Bilqis, il lui écrit Bismillahirrahmanirrahim pour commencer. Et donc, ça c'est yani, pour montrer que c'est une sunna. Une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des différents messagers. Et donc, ça c'est une des explications. Et aussi, c'est dans le but de commencer par le nom d'Allah hein, pour établir et mettre la baraka à la bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le cheikh Al-Fawzan nous dit ici Al-Kalamu bil-Basmala Mustawfa fi-Sharh li-Annahu al-Aslu fi kitab Taysir al-Aziz al-Hamid ou Fath al-Majid Mustawfa fi-Kalam. على البسملة ومعناها وقوله بسم الله جار المجرور متعلق بمحذوف تقديره أبتدئ بسم الله أو أستعين بسم الله واسم الله يشمل جميع أسمائه لأن المفرد إذا أضيف يعم وقوله بسم الله أي بأسماء الله التي لا يعلمها إلا الله. Ok, donc le cheikh il explique que بسم الله ça veut dire je débute par le nom d'Allah. Je cherche l'aide et la force et je demande l'aide d'Allah par son nom. Et on dit le nom d'Allah, c'est-à-dire tous ses noms, par tous ses noms. Et on mentionne, il l'a mentionné au singulier pour que ça soit plus général. Et donc ça implique tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu lafzul jalala. علم على ذاته سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره ومعناه ذو الألوهية يعني العبودية. Donc Allah سبحانه وتعالى c'est qu'est-ce qu'on dit en arabe لفظ الجلالة le nom, le mot de la majesté hein, c'est-à-dire le nom qui indique l'être divin Allah سبحانه وتعالى. Personne ne peut s'appeler de cette manière excepté lui. Et ce nom-là signifie celui qui détient l'exclusivité, le droit exclusif à l'adoration, zul-uluhiyya, c'est-à-dire celui qui est le seul à mériter l'adoration. Ensuite, ar-Rahman ar-Rahim, le cheikh il dit isman min asma'ihi yatadammanan sifat ar-Rahma. Ce sont deux noms parmi les noms d'Allah qui impliquent et qui signifient la miséricorde. Wa hadha mulakhas sharh al-basmala. Donc ça c'est un résumé au sujet de l'explication de al-basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc le cheikh Abdurrahman yani al-cheikh il explique ici al-kalam 'ala al-basmala bayyin madhkur fi al-sharh wal-bada'atu bihi sunnah. Donc c'est une sunnah de commencer par le basmala et c'est ce qu'il dit comme fa'ala al-Bukhari, comme l'imam al-Bukhari c'est ce qu'il a fait au début de son livre. Wa ghayruhu min al-ulama, et d'autres également parmi les ulama, ittiba' al-sunnah fi murasalatihi, murasalat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam lil-muluk wa ghayrihim, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait également dans la sunna, comme on l'a dit, lorsqu'il s'est adressé aux différents dirigeants et aux rois de son époque pour les appeler à l'islam. Wal amru bil bada'ati biha hadithul ma'ruf. Donc le fait de vouloir débuter par le basmala, il y a à ce sujet-là un hadith qui est connu, sauf qu'il est da'if. Kullu shay'in la yabda'u bihi aw la yubda'u bihi bi bismillah fa huwa abtar. Donc ça c'est un hadith qui est mentionné souvent dans les introductions, sauf que le hadith en question, il est da'if, Cheikh Al-Albani l'a mentionné. Dans Irwa Al-Ghalil, il a expliqué ça. Ensuite, il explique, le Cheikh, il explique que il dit wa qawluhu kitab at-tawhid al-murad bit-tawhid tawhid al-ibada. Qu'est-ce qu'on veut dire par le tawhid ici? C'est le tawhid dans l'adoration. Et il explique li anna aqsam at-tawhid thalatha. Al-qism al-awwal tawhid ar-rububiyyah wa huwa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi mithl al-khalq wal-rizq wal-ihya wal-imata wat-tadbir. Fa kullu ayatin fi al-Qur'an tatahaddathu 'an khalq as-samawati wal-ard وعن أفعال الله عز وجل فهي في توحيد الربوبية. Donc le tawhid, il est divisé en trois catégories. La première catégorie, c'est le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah dans la rububiyya, c'est-à-dire dans le fait que c'est lui le Seigneur et le Maître, et c'est d'unifier Allah dans ses actions, d'unifier Allah dans ses actions. Et c'est-à-dire que c'est Allah seul qui crée, que c'est Allah seul qui donne la subsistance, que c'est Allah seul qui fait vivre, que c'est Allah seul qui fait mourir, que c'est Allah seul qui gère et qui contrôle tout ce qui se passe dans la création. Et donc, chaque verset dans le Coran qui parle de la création des cieux et de la terre, ou qui parle des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que ces versets-là se concentrent ou parlent de l'unicité d'Allah dans la rububiyya, dans sa souveraineté, dans sa seigneurie, dans le fait que c'est lui seul le maître et le seigneur, qu'il n'y a personne qui crée excepté lui, qu'il est le seul Dieu, le seul maître de toutes choses. Al-Qism al-Thani, Tawhid al-Uluhiyya, وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله ويسمى توحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب وكلها أسماء بمعنى واحد وكل آية في القرآن تتحدث عن العبادة كالأمر بالدعاء أو الاستغفار والاستعاذة فهي آية في توحيد الألوهية. Donc le cheikh dit que la deuxième catégorie de tawhid, c'est le tawhid dans l'adoration, et c'est d'unifier Allah et de rendre notre adoration exclusive pour Allah seul. Ça concerne les œuvres des serviteurs. Donc, comme on a vu, la rububiyya, c'est les œuvres, les actes d'Allah, les actions d'Allah. Tandis que l'uluhiyya, c'est les œuvres des serviteurs. C'est l'action des serviteurs. Et c'est le fait que ils mettent en application et ils font les œuvres par lesquelles ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on appelle cette catégorie tawhid al-ibada, on l'appelle aussi le tawhid dans l'objectif et dans la quête et la demande. Et tous ces noms-là sont des noms qui sont valables pour désigner le tawhid dans l'adoration. Tawhid al-qasd, c'est l'intention, l'objectif. Wat-talab, c'est qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu fais pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu fais comme demande également, comme invocation, comme dua ou autre. Et tous ces noms-là, donc, comme on l'a dit, ça désigne tawhid al-ibada. Et tous les versets dans le Coran qui parlent de l'adoration, soit un verset qui ordonne par exemple de faire des dua, ou qui ordonne de demander pardon à Allah, ou qui ordonne de chercher refuge en Allah, tous ces versets qui parlent d'adoration de façon générale sont au sujet de tawhid al-ibada. Et la troisième catégorie, tawhid al-asma wa sifat, wa hiya an nuthbita lillahi azza wa jalla ma athbathahu li nafsihi min asma'ihi wa sifatihi aw athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min al-asma'i wa sifati min ghayri tahrif wa la ta'til wa la takyif min ghayri takyif wa la tamthil wa kullu ayatin tatahaddathu an asma'illahi عز وجل وصفاته فإنها في توحيد الأسماء والصفات وكل هذا موجود في القرآن الكريم. Donc le cheikh il explique que la troisième catégorie de tawhid, c'est l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs, et c'est-à-dire que nous devons affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme attribut et comme nom, et on doit affirmer également à Allah tout ce que son messager lui a affirmé comme attribut et comme nom, sans tomber dans la déformation, la falsification, la négation, ou sans également chercher à décrire ou comprendre le commun, ou faire des ressemblances et des comparaisons entre Allah et sa création. Donc tous les versets dans lesquels il y a des noms d'Allah ou des attributs d'Allah, eh bien ces versets-là sont au sujet de l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs, et tout ça c'est présent dans le Coran. Le cheikh il dit ensuite un point important, il dit فَالَّذِينَ يَقْتَصِرُونَ عَلَى تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ إِنَّمَا أَخَذُوا طَرَفًا وَتَرَكُوا مَا هُوَ أَهَمُ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ خُصُوصًا عُلَمَاءَ الْكَلَامِ وَالْمَنْطِقِ يَقُولُونَ التَّوْحِيدُ هُوَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ فَقَط وَيُنْكِرُونَ تَقْسِيمَ التَّوْحِيدِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فَعِندَهُمُ التَّوْحِيدُ قِسْمٌ وَاحِدٌ وَإِذَا قُلْنَا التَّوْحِيدُ قِسْمٌ وَاحِدٌ فَبِمَاذَا نُفَسِّرُ هَذَا الْقِسْمَ هل تريدون توحيد الربوبية فقط أو التوحيد الإلهية فقط أو توحيد الأسماء والصفات فقط، هذا مجمل. ثم أيضا إذا قلنا التوحيد قسما واحدا فمعناه أن جحدنا بقية الأقسام ونحن لم نأتي بتقسيم من عندنا، وهذا مستوفى ومستقرأ من الكتاب والسنة. donc le cheikh dit que ceux qui se limitent à expliquer le tawhid comme étant uniquement le tawhid dans la seigneurie, dans la souveraineté, et qu'ils prennent uniquement la ruboubiya dans le tawhid, c'est comme s'ils ont pris juste un aspect du tawhid, puis ils ont laissé ce qui est le plus important. Et le cheikh dit pourquoi? Parce qu'il y a des gens, en particulier ulama al-kalam. C'est qui les ulama al-kalam? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est les gens qui se réfèrent à la philosophie pour essayer de comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et qui pensent que c'est la logique d'Aristote et de Platon qui détermine qu'est-ce qu'on doit dire à propos d'Allah. Et quand on dit ça de façon générale comme ça, ça nous donne l'impression que ce sont des gens qui c'est-à-dire que c'est, on ne peut pas les désigner ou on ne peut pas les reconnaître facilement si on explique la chose uniquement en disant ça. Qui sont ceux parmi les musulmans qui parlent, quand ils expliquent le Coran, ils citent Platon et Aristote? Il n'y en a pas. Vous n'allez pas entendre un cheikh, quelqu'un qui parle au nom de l'islam et qui va vous dire Platon a dit ou Aristote a dit. Donc c'est pour faire comprendre en fait que ceux qui utilisent cette méthodologie-là, ils ne l'exposent pas de cette façon-là. Ils ne disent pas aux musulmans, nous on se réfère à ça. Sauf qu'on peut le reconnaître par leur façon. Et donc les différents groupes ou les différentes sectes qui ont utilisé cette méthodologie-là, ce sont des groupes parmi ceux qui existaient dans le passé et qui n'existent plus en tant que tels aujourd'hui, ou des gens qui ont découlé de ces sectes-là. Et je vais vous donner comme exemple les Jahmiyyah. Les Jahmiyyah qui, eux, ont nié les noms et les attributs d'Allah en entier. Et qui ont dit, on ne peut rien dire à propos d'Allah excepté qu'il existe. Donc, ils renient tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna au sujet d'Allah comme attribut et comme nom. Et ceux-là, les ulama les ont déclarés comme étant des kuffars, parce qu'ils ont dit, par le fait qu'ils nient les noms et les attributs d'Allah, ils ne croient pas en son existence réellement. Ils ne croient pas réellement en Allah, ces gens-là. Donc les Jahmiyyah, les ulama ne les ont pas considérés comme étant des musulmans. Puis est venu les Mu'tazila, une autre secte. Et les Mu'tazila, eux, ce sont ceux qui disent, on reconnaît que Allah a des noms. Ils reconnaissent que Allah, il est. Ils disent, oui, on croit qu'il est Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Sami', Al-Aziz, Al-Hakim. Des noms comme ça, ils les affirment. Mais ils n'affirment pas les significations de ces noms-là, les sens de ces noms-là. Donc ils disent, Allah il est Al-Alim, mais Al-Alim c'est juste un nom, ça ne veut rien dire. Et il est Al-Hakim, mais Al-Hakim c'est juste un nom, ça ne veut rien dire. On ne peut pas faire découler de ça qu'il a Al-Ilm, qu'il a la science, ou faire découler de ça qu'il a Al-Hikma, la sagesse, non. Eux ils disent, les noms sont des noms qui n'ont aucune signification. Et ça, c'est parti. Souvent, ils disent aussi Alimun bila ilm, Sami'un bila sam'a, Basirun bila basar. C'est-à-dire, ils vont dire il est omniscient, mais sans science. Il est voyant, mais sans vue. Il est audient, mais sans ouïe. Et ainsi de suite. Et ça, c'est tout à fait faux. Et ça, c'est une des sectes parmi les sectes des gens de bid'a que les ulama de la sunna ont combattu. À l'époque de l'imam Ahmad et après. Et la secte des Asha'ira et des Maturidiyya, eux, ils disent, on affirme cet attribut. Les autres, on les déforme de leur sens. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on ne peut pas affirmer les autres attributs, on ne peut pas les affirmer à Allah parce qu'elles ne sont pas établies par la raison et par la logique. C'est comme ça qu'ils le disent. Et donc si on leur cite des attributs d'Allah qui ne font pas partie des sept qu'ils ont eux affirmés, ils disent non, on ne peut pas affirmer ces attributs-là parce que pour eux, ils disent ça implique de faire ressembler Allah à sa création. Ils disent par exemple, on dit oui, Allah il a al-ilm, il a al-sam', il a al-basar, il a al-irada, il a al-qudra, il a al-hayat. Ilah al-Kalam. Ça, c'est les attributs qu'ils ont affirmés. Hein? Et donc, ça, c'est les sept attributs qu'ils affirment. Et nous on dit, ben, dans ce cas-là, si vous affirmez celle-là, vous devez affirmer les autres. Eux, ils disent, non, on affirme juste celle-là, pas les autres. Parce que les autres, comme par exemple le fait que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, d'une manière qui lui convient, et du fait que Allah a deux mains, comme il le mentionne dans le Coran, ou bien qu'il a un visage, comme il le mentionne dans le Coran, ou bien qu'il descend au dernier tiers de la nuit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans les hadiths authentiques, eux ils disent non, on ne peut pas affirmer ça à Allah parce que ça implique de faire ressembler Allah à sa création. Et donc nous on dit, bien entendu, ça c'est tout à fait faux, parce que si vous dites ça à propos des autres attributs, on pourrait bien le dire au sujet de celles que vous avez affirmées. Hein? Allah il est le vivant, Al-Hayy. Et les êtres humains, on est vivants aussi. Et les animaux sont vivants aussi. Et les plantes, elles sont vivantes aussi. Mais est-ce que la vie des créatures est semblable ou comparable à la vie d'Allah? Non. La vie d'Allah est parfaite. Hein? Complète. Elle n'est pas comme celle des êtres humains. La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas précédée de non-existence. C'est-à-dire l'être humain, il est précédé du fait qu'il n'existait pas auparavant. Il était dans le néant. Hein, avant d'être créé, tandis que Allah a toujours existé, il est le premier et le dernier. Et également, la vie de l'être humain, elle a une fin, tandis que la vie des créatures, elle a une fin, tandis que la vie d'Allah, elle n'a pas de fin. Donc il n'y a pas de comparaison entre la création et le créateur. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'argument pour déformer ni renier les attributs qui sont affirmés dans la révélation. Hein? Et donc, tout ça, c'est une groupe-là. Qui nie les attributs d'Allah, ça reste encore abstrait ou on n'arrive pas encore à les reconnaître. Mais si je vous dis hein, que ce sont les Asha'ira et les Maturidiyya, peut-être là vous avez peut-être une petite idée de qui on parle. Mais encore là, ça reste encore abstrait pour beaucoup d'entre les musulmans. Et si je vous dis que ce sont des gens qui font partie de beaucoup d'entre les groupes et des différents sectes, des différentes tendances actuelles dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, comme par exemple Jama'at al-Tablir, la plupart qui sont les fondateurs de ce groupe qui faisait partie des Maturidiyya. Hein? Parce que le fondateur des Tablir, Mohamed Elias al-Kandahlawi, il est de l'école des Diobandiyya en Inde. Et les Diobandiyya sont de la secte des Maturidiyya. Et ils ont également différentes turuq soufiyah qu'ils suivent. Donc ça fait partie de leur aqida, de nier les attributs d'Allah et de les déformer et d'affirmer uniquement cet attribut. Les autres, ils les renient. La même chose aussi pour les Asha'ira. Et la plupart hein, des Asha'ira, on les retrouve chez les prêcheurs des Ikhwan, des différents madahib. Vous les retrouvez chez Hassan al-Banna lui-même, il faisait partie des Asha'ira. Il était Ash'ari. Ils n'affirment pas toutes les attributs d'Allah, ils affirment uniquement celles qu'eux ils ont affirmées en se basant sur ce qu'ils prétendent être la raison. D'accord? Donc ça c'est la preuve hein, que ces gens-là, ils n'ont pas suivi la compréhension et la connaissance qui a été ramenée de la part de nos salafs au sujet d'Allah et de ses noms et de ses attributs. Quand vous avez la compréhension de ça, vous savez que la plupart des grandes universités qui sont dans les pays musulmans, la aqida qu'ils enseignent dans leurs universités, c'est la aqida ash'ariya. Al-Azhar, c'est la aqida ash'ariya qu'ils enseignent. Al-Qayrawan, aujourd'hui, elle est devenue ash'ariya. Même si à l'époque, hein, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, c'est un des imams parmi les imams des salafs. Si vous lisez son livre Al-Risala, dans l'introduction, il affirme les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, mais par la suite, malheureusement, les gens qui ont enseigné dans cette école, par la suite, sont devenus Asha'ira. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées historiquement qui ont fait qu'on leur a imposé cette aqidah-là par le sang. On leur a amené cette aqidah par l'épée. Et par exemple, Ibn Tumart, celui qui a été à la base du mouvement qu'on appelle les Mouahidines dans le nord de l'Afrique, bien c'est un de ceux qui a justement imposé la aqida ash'ariya dans le nord de l'Afrique, alors qu'auparavant, ils étaient tous sur la aqida de l'imam Malik, la aqida salafia. Hein? C'est par la suite que la aqida ash'ariya s'est infiltrée dans ces pays-là. Et donc c'est pour ça que dans le nord en Andalousie, dans le nord de l'Afrique, aujourd'hui vous retrouvez la aqida ash'ariya. C'est ça qui est enseigné. L'Afrique de l'Ouest aussi, parce que les musulmans de l'Afrique de l'Ouest, hein, ils ont appris leur aqida des chouyoukh des ash'ara dans le nord de l'Afrique. Et donc ils se sont passés cette aqida de génération en génération par la suite. Hein? Mais à la base, alors qu'à l'origine ils étaient tous sur la voie des salafs, l'aqida des salafs, la même chose pour l'imam al-Shafi'i et ceux qui ont suivi le madhab al-Shafi'i. Hein? Donc c'est pour cette raison là que c'est important de savoir d'où ça vient, hein, et ces différentes voies là, et de savoir que pour eux le tawhid ça se limite à une seule catégorie. Et c'est quoi cette catégorie là? C'est tawhid al-rububiyya. Hein? Les autres catégories ils les acceptent pas. Tawhid al-asma al-sifat, ils n'y croient pas, puisqu'ils nient les noms et les attributs d'Allah, ou ils déforment les attributs d'Allah, hein, et ils en affirment uniquement quelques-unes. Tandis que tawhid al-ibada, eh bien ça aussi, ils n'y croient pas. Hein. Pour eux, yani le fait de prier des morts et des saints, et d'associer avec Allah en prenant des intermédiaires, hein, ça c'est pas du shirk pour eux. C'est pour ça que pour eux le tawhid c'est juste ar-rububiyya. Et vous allez voir, comme le cheikh va l'expliquer plus tard, ça c'est une erreur fondamentale qui contredit, hein, toutes les preuves du Coran et de la Sunna. C'est pour ça que le cheikh dit ici, eux ils font du tawhid une catégorie unique. Et donc si on dit que le tawhid est une catégorie unique, alors comment on va expliquer cette catégorie-là? On va dire quoi à son sujet? Est-ce que vous voulez dire par cette catégorie-là que c'est seulement le tawhid al-rububiyya, ou bien que c'est seulement le tawhid dans l'adoration, ou bien que c'est seulement le tawhid dans les noms et dans les attributs? Ça c'est général, hein, c'est global, dans ce sens-là c'est pas précis. Et il dit donc, si on dit également que le tawhid est une seule catégorie, ça veut dire qu'on doit renier les autres. On doit renier les autres. Et cette division du tawhid en trois catégories, on ne l'a pas inventée nous-mêmes. Elle vient de ce qui a été trouvé dans les textes. C'est ça ce qu'on trouve quand on lit les textes. On voit comme le cheikh l'a expliqué dans l'introduction quand il a parlé des trois catégories, que lorsqu'on parle de la création d'Allah et de ses actions, hein, du fait que c'est lui qui fait vivre, qui fait mourir et qui contrôle toutes choses, ça c'est clair que ça fait partie de l'unicité d'Allah dans la rububiyya. Et quand il parle de l'adoration, que c'est à propos de tawhid al-ibada, et quand c'est à propos de ses noms et de ses attributs, que c'est tawhid al-asma al-sifat. Donc ça c'est des choses que personne ne peut remettre en question ou renier. Et le cheikh dit, والمقصود من هذه الأنواع الثلاثة وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة يعني هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة إليه كلهم يأمرون الناس بعبادة الله عز وجل وينهون عن الشرك وأما توحيد الربوبية فإن العالم مقرون به ولم يجحده أحد حتى المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وأبي لهب صناديد الشرك يقرون به كما ذكر الله ذلك في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يعترفون بتوحيد الربوبية ولذلك الرسل لم يتعرضوا لأنهم يقرون به. Donc le cheikh explique. Il dit, le but et l'objectif de ces trois catégories, c'est l'adoration, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Comme on l'a dit, c'est le tawhid mis en pratique et en application. Et il dit, pourquoi ? Parce que les messagers, quand ils sont venus à leur peuple, la première chose à laquelle il les a appelés, c'est quoi ? Hein ? C'est le tawhid dans l'adoration. C'est la première chose à laquelle les messagers appellent leur peuple. Et ils ont adoré, ils ont ordonné leur peuple à adorer Allah seul. Et ils leur ont interdit de faire le shirk. Donc, il dit que, en ce qui concerne le tawhid, la rububiyya, le fait de croire que Allah c'est le seul maître, le seul créateur, hein, eh bien, cet aspect-là, le monde entier y croit déjà. Hein, ça fait partie de qu'est-ce qui est dans la nature même, profondément dans la nature de l'homme, le fitra. Hein. C'est pour ça que beaucoup les ulama disent souvent, yani, prouver l'existence de Dieu et qu'il est unique, c'est quelque chose qui est inscrit dans la nature même de l'homme. C'est au fond de l'homme. Personne ne le renie, même les athées, ils ne le renient pas. Pourquoi ? Parce que les athées, ils le renient uniquement par la langue. Mais dans la réalité, au fond de leur cœur, ils y croient. Hein? Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils sont dans des moments de malheur et de détresse, où ils savent qu'ils vont mourir, ou ils vont périr, la première chose qu'ils font, c'est hein, d'appeler Dieu, d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Dans les moments où ils savent qu'il n'y a plus d'autre chose qui peut leur venir en aide que Allah, hein, tout d'un coup, ils reconnaissent son existence. Donc ça, c'est la preuve. L'être humain, au fond de lui-même, il sait que Allah existe. S'il le renie, c'est par orgueil, par arrogance, par fierté. Parce qu'il refuse de se prosterner, parce qu'il refuse de se soumettre à son Créateur. C'est ça l'orgueil et l'arrogance. Et c'est ça la réalité hein, de la négation de ceux qui nient hein, Rububiyya, comme Pharaon. Hein, Pharaon, dans le Coran, on voit, quand il nie, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son sujet, « وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَلَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا » Ils l'ont renié, alors qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec conviction. Mais c'est par injustice et par fierté et arrogance qu'ils l'ont renié. Le cheikh dit également ensuite des versets à ce sujet-là pour dire que même les mouchrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les têtes de l'égarement et de l'idolâtrie, Abu Lahab, Abu Jahl, hein, et autres également parmi les mouchrikins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran qu'il ne reniait pas que Allah est unique. Il ne reniait pas que Allah existe. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu dire à Quraysh qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qu'il existe. Ça, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà accepté. Ils croyaient déjà en ça. Tous les hommes croient en ça. Et il dit, la preuve de ça, c'est dans plusieurs versets dans le Coran. Allah, il mentionne ce qui signifie. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire si tu demandes au Muhammad, à ces mouchriquin, à ces kuffars, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Hein? Donc, kuffar et mouchriquin, ça n'implique pas nécessairement que ce sont des gens qui renient son existence. Mais ça peut être uniquement des gens qui acceptent ou qui croient en son existence, mais qui décident d'adorer d'autres que lui, ou d'autres avec lui. Donc s'ils croient en d'autres que lui, ils adorent d'autres que lui, et ou bien d'autres avec lui, donc ils sont des mouchriquins. Hein? Même s'ils reconnaissent que lui, il existe et qu'il est unique. Et l'exemple aussi dans le verset dit, hein? Dit le verset qui signifie « dit » Qui est le Seigneur des cieux, des sept cieux, et qui est le Seigneur du grand trône, ils diront Allah. Donc même les mouchriquins de Quraysh, ils savaient que Allah est le seul créateur, et le créateur des cieux et de la terre, et le maître du grand trône, ils le savent. Et le verset suivant également, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dit ô Muhammad, à ces mouchriquins, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, hein? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant? Et qui dirige toute l'affaire? Ils vont dire quoi? Les mouchriquins, Allah dit, « Fa sayakouloun Allah » Et ils vont dire, c'est Allah. Ça veut dire que les mouchriquins, ils croient que Allah, c'est lui qui donne le risque. Hein? Ils croient que Allah donne le risque, comme les musulmans. Et ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient l'ouïe et la vue, comme les musulmans. Et ils croient que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, comme les musulmans. Celui qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, ils savent ça, comme les musulmans le savent. Et c'est qui détient, qui contrôle toute l'affaire? Ils disent, c'est Allah aussi, comme les musulmans. Donc c'est quoi là? Malgré tout, Allah les a appelés des mouchriquins et des koufars. Malgré tout. Pourquoi? Parce qu'ils adorent d'autres que Allah. Subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas appliqué le tawhid dans l'adoration. Donc le fait de croire à la rububiyya, ça ne suffit pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un autre verset, et si tu leur demandes qui les a créés eux, ils vont dire Allah. Hein? Tu demandes à un chrétien qui t'a créé, il va dire c'est Dieu, hein? C'est Allah. Et peut-être qu'après il va dire bon, Dieu est trois en un et tout ça c'est du shirk, hein? Mais il reconnaît que quand tu lui demandes, moi je le sais parce que c'est ce qu'ils disent tout le temps, Dieu est unique, hein? Et c'est écrit dans leur livre même. Il y a un Dieu, Dieu est un Dieu unique. Sauf que par la suite, ils contredisent ça. Hein? Ils contredisent ça dans leurs actions et dans leurs pratiques. En adorant Jésus. En adorant Jésus qui est un être humain, un prophète parmi les prophètes, mais qui reste quand même un être humain. Ils adorent Marie. Hein? Et ils l'appellent même parfois la mère de Dieu. Subhanallah. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Comment il peut être, comment il peut avoir Dieu, comment il peut avoir une mère? Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Hein? Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de mère. Eux, ils disent Jésus le Fils et Marie la mère de Dieu. Jésus le Fils de Dieu, Marie la mère de Dieu. Donc ça veut dire, ils disent qu'il engendre et qu'il a été engendré. Ça, c'est du coffre, c'est du shirk. C'est pas la croyance des prophètes, ça. C'est pas l'enseignement des prophètes. Hein? Et la même chose, ils adorent aussi non seulement ça, mais parmi les hommes que eux ils ont considérés comme étant des hommes pieux ou des martyrs qui sont morts dans leur, pour leur religion, ils les considèrent des hommes pieux qui, et ils par exemple, ils prennent leurs ossements, hein, leurs reliques, les choses qui leur appartenaient dans leur vie, leurs vêtements, hein, et ils les gardent dans des endroits comme dans des coffres, ils les enferment dans des coffres forts, dans des endroits protégés, parce que pour eux c'est des objets, hein, sacrés, et c'est des choses qui peuvent les protéger, les aider, hein, et éloigner le mal ou les bénir, des choses de ce genre. Tout ça c'est du shirk, hein, et ils les invoquent et ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah. Hein? Donc c'est ça le shirk. Donc ils reconnaissent la rububiyya, hein? Ils reconnaissent la rububiyya, et c'est pour ça que yani, ils disent oui, Dieu existe et il est unique, mais cela ne les empêche pas d'adorer autre qu'Allah. Donc dans ce cas là, hein, ce n'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Le shaykh dit a'tarifuna bi tawhid ar-rububiyya wa lidhalika ar-rusul lam yata'arradu lahu لأنهم يقرون به وأيضا هو لا يكفي ولو أقروا به وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام ولا ينجيه من النار ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وهم يعترفون بتوحيد الربوبية فدل على أنه لا يكفي بل لا بد من توحيد الألوهية لذلك الشيخ الدين également Tawhid al-Rububiyya, les prophètes ont su que ces peuples, leurs peuples, ont déjà accepté cet aspect du Tawhid. Donc, étant donné qu'ils ont déjà accepté cet aspect du Tawhid, ils n'ont pas concentré leur da'wa sur cet aspect-là, mais plutôt ils ont concentré leur da'wa sur l'unicité, c'est l'unicité d'Allah et l'unicité dans l'adoration. Donc, et également, comme on l'a dit, l'unicité dans la rububiyya, ce n'est pas suffisant. Et si quelqu'un l'accepte, ça ne le fait pas rentrer dans l'islam. Et ça ne le sauve pas non plus de l'enfer. Donc si quelqu'un dit j'accepte qu'il y a un Dieu unique, et je crois qu'il y a un seul Dieu, hein, ça ne le fait pas rentrer dans l'islam. Ça ne le fait pas encore rentrer dans l'islam. Il faut, hein, comme le cheikh il dit ici, ça ne le fait pas rentrer dans l'islam, mais ça ne le sauve pas de l'enfer. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les mouchriquines à son époque, alors que eux, ils reconnaissaient aussi que Dieu est unique et qu'il est le seul créateur et qu'il est le maître de tout. Et malgré tout, il ne les a pas considérés comme étant des musulmans. Donc il faut absolument que quelqu'un accepte l'unicité dans l'adoration pour être considéré comme un musulman. C'est pour ça que c'est la signification même du témoignage. Quand on dit la ilaha illallah, ça ne veut pas dire il y a un seul créateur. Ça ne veut pas dire il n'y a pas de créateur excepté Allah. Hein? Ça, c'est la rububiyya seulement. C'est juste un aspect du tawhid. Mais la vraie signification de la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah. Parce que al-ilah, c'est en arabe ce qui est adoré. Donc quand tu dis la ilaha illallah, le sens que les ulama ont mentionné à ce sujet-là, c'est qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la signification du shahada. Et ça indique l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, je pense que pour l'instant, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, on va continuer encore un peu plus et on va avancer dans le livre. Et, Inch'Allah, ça va être de plus en plus intéressant, Inch'Allah, de plus en plus clair. Et on va arriver donc à comprendre réellement cette réalité de notre religion que malheureusement beaucoup de musulmans ont négligé ou à laquelle ils n'ont pas vraiment donné beaucoup d'importance malheureusement. Tu vois des gens qui font des conférences sur toutes sortes de sujets et ça c'est bien, mais en même temps ils ne donnent aucune importance au tawhid, alors dans ce cas-là il y a un problème. Hein? Ils écrivent des livres sur l'islam et ils parlent de tout dans l'islam, sauf du tawhid, alors que ça devrait être leur priorité. Et on voit donc qu'il y a un problème dans ça. Donc, alhamdoulilah, on va continuer demain, inshallah, et on va élaborer encore plus sur ce sujet-là, inshallah, parce qu'on en a besoin, et chacun d'entre nous, une fois qu'on a bien compris cet aspect-là de notre religion, eh bien, on aura quand même une certaine aptitude à être capable d'appeler les autres qui sont musulmans mais qui ont mal compris ou qui ne sont pas musulmans et qui veulent connaître l'islam en leur expliquant cet aspect, la base même de l'islam. Et c'est le meilleur argument que vous pouvez donner à un non-musulman pour l'appeler à devenir musulman, c'est ça, c'est le tawhid en fait. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de musulmans ignorent. Hein? Ils ne savent pas que si tu veux parler avec un chrétien, la meilleure façon de l'appeler à l'islam, c'est de lui expliquer que le tawhid, c'est la base de l'islam. Il y a beaucoup de gens même qui, non, je peux même me citer comme exemple moi-même, avant d'être musulman, je ne savais pas que la base de l'islam, c'était l'adoration d'Allah seul. Et il y a des raisons pour ça, parce que les chrétiens, quand ils enseignent, à leurs enfants ou à l'école quand ils apprennent le christianisme aux enfants chrétiens, ils leur parlent des fois des autres religions et quand ils leur parlent de l'islam, ils leur disent que il y a le judaïsme et le christianisme, et ça c'est qu'est-ce qu'ils disent, ils appellent les judéo-chrétiens et eux ils croient au monothéisme et un dieu unique, puis il y a les autres religions et ils mettent avec les bouddhistes et les hindous, ils mettent l'islam. Donc c'est comme si en voulant dire l'islam c'est une religion qui est plus proche de l'hindouisme et du bouddhisme que le judaïsme et le christianisme. Alors quand l'enfant chrétien il grandit avec cette idée là dans sa tête, eh bien il s'imagine que les musulmans adorent des statues et des idoles comme les hindous et les bouddhistes. Et donc, quand il apprend ça aussi, on leur dit, les musulmans, ils croient en un autre Dieu qui s'appelle Allah. Hein? C'est pas Rabbul Alamin. C'est pas le Seigneur des mondes, le Seigneur de la création. Et ils disent aussi, ils croient en un prophète qui s'appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est comme si il croit que en lui seulement. Il ne croit pas en les autres. Et le coup de grâce, hein, quand ils veulent vraiment éloigner un chrétien de l'islam, et ils ne croient pas en Jésus. Alors là, ça y est. Ils ont démoli tout espoir de tout ce que cette personne qui est chrétienne, qui pourrait avoir l'intention de s'intéresser à l'islam, du moment qu'ils lui ont dit ça, à la fin, qu'ils ne croient pas en Jésus, ça y est. Là, ils ne vont même plus vouloir même penser à l'islam. Parce que ne croient pas en Jésus, ça veut dire que c'est fini. Alors que tout ça, c'est des mensonges, du début jusqu'à la fin. Donc c'est important de savoir ça, si vous êtes au courant de ça, après quand vous parlez à un chrétien, vous savez sur quoi vous concentrer pour lui faire comprendre qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam, puis juste avoir parfois cette simple explication-là, cette simple connaissance peut être suffisante parfois pour faire en sorte que ce chrétien-là s'intéresse à l'islam ou même par la suite se convertisse. Et le juif, c'est la même chose. Hein? Donc, je m'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.